بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. Le visage fermé, il s'est détourné de l'homme aveugle qui s'est présenté à lui. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. Mais qui te dit qu'il ne deviendra pas plus pieux, ou qu'il ne réfléchira pas en se rappelant ton prêche pour en tirer profit ? أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. Celui qui se suffit de sa fortune, tu l'accueilles avec empressement. Peu t'importe qu'il ne cherche pas à être vertueux. Quant à celui qui s'empresse vers toi, mû par la crainte d'Allah, tu le négliges. Eh bien non, ceci est un rappel. Invoquera le nom d'Allah qui voudra. Rappel transcrit sur des feuillets honorés, transcendants et purs, entre les mains d'anges scribes, nobles et fidèles. قتل الإنسان ما أكفره. Que périsse l'homme mécréant, comme il est ingrat. من أي شيء خلقه. De quoi fut-il créé ? من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. D'une goutte de sperme, Allah l'a créé puis l'a prédéterminé. Il lui a ensuite facilité la voie du salut. Il l'a fait mourir et enterrer. Il le ressuscitera quand il le voudra. Mais l'homme n'a pas exécuté les ordres divins. Que l'homme observe sa nourriture. En effet, nous avons bien fait tomber l'eau en abondance, puis nous avons fissuré la terre en fente pour en sortir des céréales, des vignes, des dattes, des olives, des palmiers. وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Des jardins aux arbres touffus, des fruits et de la verdure, tout cela à votre profit et à celui de vos animaux. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Lorsque retentira le grand son de la trompette, ce jour-là, l'homme fuira son frère, sa mère, son père, sa compagne et ses enfants. Chacun d'eux, ce jour-là, sera occupé par son propre cas. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. Ce jour-là, certains visages seront rayonnants, souriants, épanouis. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. D'autres seront ternes, ténébreux et sombres. أولئك هم الكفرة الفجرة. Ce sont les impies licencieux.